FrenchPod.com. Hey, c'est comme la dernière scène du premier épisode de La Guerre des Étoiles. Le quatrième épisode, tu veux dire ? Mais non ! Le premier, celui où tout commence, le meilleur. Mais le meilleur, c'est le cinquième. Tu veux dire le deuxième ? Oh, laisse tomber.